flash spécial, la mairie de la Bresse a encore frappé avec son 20h04. Et après avoir fait un 20h04 sur Jean-Paul Didier Laurent, cette fois c'est un autre thème et pour cela j'ai Charlotte de la mairie de la Bresse avec moi. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors, ce 20h04, alors ce sera ce jeudi 14 juin. Jeudi 14, oui. Et à 20h, quel sera le thème cette fois ? Alors, c'est à 20h04 précisément, attention. Et le thème cette fois-ci, ce sera l'environnement. L'environnement. Ben dis donc, c'est un sujet assez vaste. Et pour englober ce sujet, forcément, il va y avoir des gens, des intervenants, des animations. Ce sera qui sera là ? Alors, comme chaque soirée de 20h04, on a toujours 4 intervenants, dont un artiste. Et donc, pour les 3 intervenants, on aura notamment Nicolas Richard, qui est éducateur à l'environnement. Ensuite, nous aurons Quentin Bégin, qui est animateur. Et enfin, nous aurons Anthony Perrin, qui est consultant et formateur en entreprise. Donc, ça en fait un petit monde. Et d'ailleurs, je vois hein, sur le flyer, il y a un Darou. Mais attends, pourquoi il y a un Darou sur le flyer ? Est-ce que ça fait partie du thème ? Tout simplement parce que le premier intervenant, Nicolas Richard, va nous parler de ce fameux Darou. Donc, ses 20 minutes à lui parleront de sur les traces du dernier Darou. Et donc, il va nous parler notamment de la richesse de notre territoire et aussi de son patrimoine naturel, en partant sur les traces du Darou, qui est un symbole... de nos peurs, de nos envies, de nos rapports avec la nature, qui est bien mystérieux. Et voilà, ça nous parlera du rapport avec la nature au fil des âges. Et juste après Nicolas Richard, il y aura Quentin Bégin qui interviendra. Qu'est-ce qu'il va proposer ? Donc oui, Quentin Bégin nous parlera de tous drogués, mais à quel prix ? Donc voilà, les drogues, les addictions qui sont aujourd'hui dans la société, c'est un thème très important. Et donc, il nous parlera de pourquoi on est addict, comment faire, de ses addictions à lui, de ses expériences. Je t'écoute. Il donnera son avis personnel et son analyse à lui-même. Et juste après Quentin Bégin, hein, on parle d'abord de Darou, ensuite de psychotrope. Hein. C'est un drôle de choix. et juste après... Juste après ces deux intervenants, il y aura Anthony Perrin qui, si j'ai bien lu, va associer le bien-être et une performance de haut niveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Anthony Perrin, qui est consultant et formateur en entreprise, est un passionné de sport et il a accompagné des centaines de sportifs et d'entraîneurs de haut niveau, et notamment 4 médaillés olympiques, dont Julien Absalon, qu'on connaît peut-être normalement, et Julie Bresset. Et aujourd'hui, il fait le lien entre son expérience aux côtés de sportif et le monde du travail. Et voilà, donc c'est tout un ensemble, hein, toujours sur la thématique de l'environnement. Et enfin, pour clore la soirée, il y aura un bambou DJ. Mais qu'est-ce donc ? Alors oui, c'est DJ Bambou, l'intervenant artistique de cette soirée. Donc il nous proposera... une musique assez intéressante, on va dire une musique assistée par ordinateur, donc avec des sons électroniques qu'il va créer lui-même en live. Donc, surprise. Avec tout ce programme, l'ambiance sera au rendez-vous. Oui, alors oui, on a toujours une ambiance très conviviale et beaucoup de personnes qui s'y intéressent et surtout un public varié puisque on a des sujets tout aussi variés. Et surtout, on a la possibilité, juste après les 4 interventions de 20 minutes chacune, je le rappelle, de profiter d'un moment convivial autour de boissons, de gâteaux. Et on peut discuter avec l'intervenant ou les intervenants qui nous auront le plus plu. Donc ça, c'est vraiment, une valeur qui est importante à la Maison de la Bresse. D'ailleurs, ça s'était passé comment avec Jean-Paul Didier Laurent ? Bah, très bien. Il a été très bien accueilli, ça s'est très bien passé, le public a été ravi. Et l'ambiance était au rendez-vous comme ce que vous aimeriez vraiment, vraiment faire. Donc le jeudi 14 juin à 20h04 précise à la Maison de la Bresse. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'il faut rajouter pour les auditeurs ? Oui, alors si jamais les gens ont envie de revoir ou de voir ou de découvrir qu'ils ne connaissent pas, on a une chaîne YouTube qui s'appelle 20h04 de l'idée sans détour. Et dessus, vous pourrez voir et retrouver la plupart des intervenants des 20h04 passés et aussi de celui de jeudi. Eh ben écoute, merci beaucoup Charlotte, si c'est tout ce que tu as à nous raconter. Hein. Et pour plus d'informations, je donne quand même peut-être aux auditeurs le Facebook hein, Maison de la Bresse, sinon le site www.maisondelabresse.fr, ou ça passe aussi par téléphone hein, au 03 29 62 65 95 ou au 03 29 25 40 21. Bah, écoute, merci beaucoup Charlotte, merci. Et puis bon 20h04. Merci, à bientôt. À bientôt.